Lundi 29 octobre, 20h30. Petits cadavres exquis. Accroupi dans ma niche comme un scribe égyptien, j'étale autour de moi toutes mes correspondances. Jean-Marie est en train d'écrire. Il est resté à la petite table. Nous avons éteint la télé. Dehors, il fait froid. Les bommettes murmurent à peine. Ce matin, avec Ali le Comorien, nous avons terminé la lettre à Marie. Bien sûr, le poème n'y a pas suffi, il a fallu rajouter d'autres mots, d'autres excuses, d'autres aveux d'amour abandonnés. J'ai même eu droit à rédiger trois petits billets pour les enfants de cette femme qu'il aime tant, cette Marie que je ne connais pas, et qui pourtant ne m'est plus totalement étrangère à présent. Ah, que n'ai-je aussi à moi un cœur changeant. Quelqu'un à qui adresser toutes mes lettres en souffrance. Tout un service postal n'y suffirait pas peut-être. Maintenant, je n'attends plus le vague-mestre de 5 heures. Il n'a rien de bon, rien d'important à m'apporter. Il ne m'est bon à rien. Les nouvelles du monde qui peuvent me parvenir, ne sont plus que des messages d'adieu, des manuscrits trouvés dans une bouteille, ou bien des ordonnances, des commandements et des convocations. Jean-Marie c'est différent, il reçoit tant de lettres et il répond à tout le monde. Souvent, pas tous les jours, il prend 1 heure ou 2 pour faire son courrier. Je le regarde comme il sait faire, et je me dis qu'il n'a pas renoncé, qu'il n'est pas rassasié. Ou bien se dit-il ou espère-t-il, que le monde ne désespère pas complètement de lui. Jean-Marie est assis à la petite table, et j'entends son écriture au bout du stylo. Encre noire. J'ai étalé devant moi toutes les lettres d'Adrien. Elles gisent tout autour comme de petits cadavres exquis. Un jour, quand j'aurai le temps, il faudra bien que je reconstruise cette histoire, que j'assemble les bouts entre eux, ces fragments de discours amoureux, ces phrases inachevées. Cela m'est encore impossible, il y a trop de vie encore là-dedans. Nous attendrons des mois, peut-être des années, jusqu'à leur retournement. Les mots des morts demandent à reposer. Juste de voir devant moi ces bouts de papier, posés sans ordonnancement précis, comme de petits papillons blancs, me font penser à lui. À lui comme un froissement d'ailes. Encore à lui je pense. Vendredi, j'ai reçu un courrier d'Auxilia, c'est un organisme qui dispense des cours par correspondance aux détenus. Ils me dressent des tests de niveau à leur renvoyer, il y a une épreuve d'anglais et une de comptabilité. Je me suis appliqué ce week-end, et tout à l'heure encore à répondre aux questions. Je pense que je devrais mieux apprendre l'anglais, cette langue ne m'est pas familière. Avec elle, je n'ai jamais couché même si je l'ai beaucoup pratiqué au cours de mes voyages. En même temps, je continue à étudier les mathématiques grâce à Jean-Marie. Les exercices qu'il me propose, et qu'il me corrige ensuite sont d'un niveau première ou terminale scientifique, et cela est largement suffisant pour moi. Après tout on ne demande pas à un poète de savoir calculer. Les suites géométriques me donnent toujours du fil à retordre. J'aimerais aussi apprendre, pourquoi pas la comptabilité et l'informatique, je me dis que si j'en sors vivant, je devrais enfin avoir vraiment un vrai métier. Comptable c'est plus sérieux qu'être poète ou vagabond. Moins romantique peut-être mais plus sérieux. Allons, nous attendrons les résultats de mes tests. J'ai le temps de penser à mon avenir. J'ai reçu enfin une réponse de Michel, une longue lettre de 3 feuillets. Je n'ai pas trouvé le courage de la lire immédiatement. Je ne l'ai ouverte qu'hier soir, 2 jours après. Je ressens combien j'ai pu la faire souffrir. Et l'idée même de sa souffrance, vient de nouveau réveiller mon cadavre endormi. Il faut que je lui réponde. Mais lui répondre quoi? J'ai peur de la lettre morte, de la lettre qui tue. J'ai peur d'écrire une lettre d'un déjà mort et qui encore assassine. Mon Dieu qu'il m'est difficile d'écrire aux vivants. Je me dis que les morts ne devraient jamais avoir droit de réponse. J'ai le sentiment que je connais déjà, dès à présent, la fin de cette histoire sans en avoir lu les prochains chapitres. Le monde peut bien se répartir et déchiqueter ma mémoire, qu'importe. Si peut-être la conscience survit, les mots qui restent ne suffiront pas à sauver quelque chose. Dans cette prison qui me cajole, chaque jour j'écris mon journal. Accroupi dans ma niche, les jambes en tailleur, comme un scribe égyptien, je rédige ce qui ressemble déjà au grand livre d'un mort. Et les mots qui me restent, je le sais, ne suffiront pas à sauver quelque chose. Mon cas désespéré. Vienne le temps, j'ai tant vécu. Étant usé mon temps à t'attendre. Quand viendras-tu? Vraiment, encore à lui je pense.